pensée de bosse sur mon torse et ce trou lisse entre mes cuisses, le trop, le pas assez, le chameau, l'oasis. Je crois que j'oserais te dire je t'aime. Bague de fer l'honneur n'était pas levé le majeur ni faire plus de vagues que l'éponge ou l'algue. Je crois que j'oserais te dire je t'aime. Si j'avais encore plus de mal dans les aigus, mais de l'aisance dans les graves, si ma voix baissait d'une octave, je crois que j'oserais te dire je t'aime. Si les caresses remplissaient et si les baisers remplaçaient le chou, la cigogne, les poupées gigognes, je crois que j'oserais te dire je t'aime. Si j'avais encore plus de mal dans les aigus, mais de l'aisance dans les graves, si ma voix baissait d'une octave, je crois que j'oserais te dire je t'aime. Puisqu'il n'est pas de fleurs sans faune, je rêve d'avoir le cœur d'un faune. Pour toi, je pourrais me faire opérer, j'oserais peut-être alors te dire je t'aime. Si ma voix baissait d'une octave, si ma voix baissait d'une octave, je crois que j'oserais.